C'est hot, hein? T'as vraiment mis ça comme sonnerie de message? Hein? Ta sonnerie de message? De notation. C'est bien cool. Ça sonne bien. C'est bien pensé. Hein? C'est bien pensé. Puis des fois, j'ai reçu deux messages à flic qui s'appellent TIT TIT TIT TIT TIT. Puis là, je commence à ramper dans ma tête. Nice.